horses in the sun. I'm supposed to get any riding done. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get any riding done. In the sun, how am I supposed to get any riding done? All the tired horses in the sun, how am I supposed to get any riding done? Закат ложится на поля, одевшись в свет и тень, приходишь ты в вечерней мгле. Приветствуют меня шуршание травы и блеск воды. И слышу я, как музыка листвы, что ветром рождена, летит над землей. И звуки вновь прозрачны и чисты, знакомы и близки, как дом. Все листья в блестках роз дрожат светом, но прежде чем отсюда мне уйти, я музыки твоей вдохну. Le miel de l'amour qu'on boit jusqu'à se griser, c'est cela que l'on nomme le vin de l'été. Je suis venu d'une autre ville en étranger, portant une bourse d'argent à mon gilet. Bel étranger, c'est ta route, mon rêveur, te faire goûter le vin de l'été. Oh, oh, de l'été. Le miel de l'amour qu'on boit jusqu'à se griser, c'est cela que l'on nomme le vin de l'été. Enlève ton gilet et ta bourse dorée et viens goûter le vin de l'été. Oh, oh, de l'été. Mais le lendemain, quand j'ai voulu me lever, Le sol roulait comme un bateau dessous mes pieds. Tu as trop bu ou pas assez? Reviens, je vais te redonner le vin de l'été. Oh, oh, oh, de l'été. Le miel de l'amour qu'on boit jusqu'à se griser, c'est cela que l'on nomme le vin de l'été. Enlève ton gilet et ta bourse dorée et viens goûter le vin de l'été. Oh, oh, oh, de l'été. À mon réveil, le soleil me brûlait les yeux. Le vin cognait comme un fou dans ma tête en feu. Et moi j'étais parti et sa bourse dorée évanouie dans le vent de l'été. Oh, oh, de l'été. Le miel de l'amour on voit jusqu'à se griser, c'est cela que l'on aime. 꽃오기 전에 먼저 오너라. 기다리는 내 마음이 병들기 전에. 구름같이 퍼지는 뽀얀 기운. 우리님 발소리가 들리기 전에. 바람꽃아, 바람꽃아, 오지 말아라. 우리님 날 찾아 오신다더라. J'ai tant de chagrin, Marie. song of me, my little fleur ami. Oh, my friend, ne partez plus jamais, où j'allais, où j'allais. My friend est caché dans le ciel, dans le ciel. Je suis père de Marie. C'est le dimanche et j'ai du chagrin. J'ai du chagrin, Marie. Donne-moi la main dans ce jardin fleuri. Ma foi ne jouera plus jamais. Il emporte ses jouets dans le ciel, dans le ciel. I'm so sad cause I lost my friend. I'm so sad cause I lost. Je suis perdu sur mon chemin. J'ai tant de chagrin, Marie. I'm so sad cause I lost my friend. I'm so sad cause I lost. Donne-moi la main, Marie, j'ai trop de chagrin. Venu de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la cavalerie. Moi s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante, et que sombre le pays, dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis. Je prendrai la route, mais ailleurs coûte que coûte. Je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage. Et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Cavalerie, moi. Tell me, would it be, could it be true to thee? Oh, the seaside in her prisms reflects your name. Bonsoir, ô lune souveraine. L'une des nuits, je me souviens du temps que vous étiez lointaine. En ce temps, je vous aimais bien. Vous étiez si blanche et si probe, personne alors n'aurait osé sur votre transparente robe effleurer le moindre baiser de la lune qui se souvient, qui se souvient. Ils sont venus l'un après l'autre à travers ciel vous visiter. Maintenant vous êtes des nôtres, j'ose des familiarités. Je peux te dire tu es même vers toi m'envoler à mon tour. Léger, sans gravité, je t'aime. Je plane, mais j'ai le cœur lourd de la lune qui se souvient. Qui se souvient. Les aventuriers de l'espace iront se battre sur ta peau. Chacun veut défendre sa place, chacun veut planter son drapeau. Les trafiquants de toutes sortes qui font commerce avec les gens de ton corps ont ouvert les portes. Tu es bien la lune d'argent, de la lune qui se souvient, qui se souvient. Maintenant, j'ai changé de vie et je te fuis de lieu en lieu. J'ai de toi la nostalgie, je ne peux que fermer les yeux pour me souvenir de la lune quand elle était vierge des nuits et je la chante à quelques-unes de mes compagnes d'aujourd'hui, de la lune qui se souvient, qui se souvient.